بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خذ لكم منطقة أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، d'abord par rapport au hadith que j'avais cité hier sur cet homme qui avait été blessé à la tête après qu'il était en janaba et qui avait demandé pour ce qu'il devait faire, que le sahaba lui avait dit qu'il fait le rousl. Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam, après il en est mort. Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam, qataluhu qatalahumullah ou qatalahumullah. Quand le shifa al-ay al-suwad, que la guérison au mot, c'est la question, c'est-à-dire par rapport à l'ignorance. Le hadith Ibn Abbas, selon Ibn Abbas, est apporté par Ahmed, Nasa'i, Ibn Majah et d'autres. Et on l'avait pris dans le Jami' fi al-Bayan al-'Ilm wa Fadlihi de Ibn Abd al-Barr. Et Shir avait vu que ce hadith était, avec toute cette ourouk, il était daif. Mais dans le tarikh que j'ai de mon livre, Albani, il l'a rendu authentique. Donc de la khilaf sur son authenticité. Taïf. Taïf, on revient à Tayammum. Faqala al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. في الحديث التاسع والعشرين بعد المئة وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. والحديث ضعيف جدا. والحديث وفي الحديث 30% وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاختصل فمات قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغسل على جرحه خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسناد فيه ضعف وفيه اختلاف على روايته والحديث ضعيف. Donc le 109e hadith selon Ali qui l'a dit رضي الله عنه, que l'un de mes avant-bras s'est cassé. Donc j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a ordonné d'essuyer sur Al-Jabira. C'est ce qu'on met, ce qu'ils mettaient à l'époque, genre peut-être entre deux bois, avec une bande, quand un os s'était cassé. Aujourd'hui, ce serait un plâtre. Mais la méthode à l'ancienne. D'accord ? Aujourd'hui, ce serait office de plâtre. Et dans le hadith de Jabir, 130e hadith, à propos de l'homme qui était blessé à la tête et qui s'est lavé, et qui en est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui suffisait de faire tayammum, puis de mettre un bandage sur sa blessure, et d'essuyer dessus, puis de laver le reste de son corps. Porté par Abu Daoud, avec un isnad faible. Et le hadith jugé comme faible également. Donc là, ce sont des masselles qui sont importantes, qui sont par rapport aux blessés, qui a un bandage ou ce genre de choses, comment il s'y prend. C'est une masselle, il y a beaucoup de khilaf. D'accord, beaucoup de khilaf, mais elle est très importante. Donc il dit المسائل والأحكام المستفالة من الحديث مسألة المسح على الجبائر wa asaib al juruh. Donc le fait d'essuyer sur, on va dire aujourd'hui, le plâtre, d'accord, parce qu'aujourd'hui le jabair, ça c'est plus trop comme avant. Bien qu'on trouve encore des techniques comme ça. Tu vois, la personne, elle a comme des barres de fer, il y a une chose qui sert. Tu peux trouver ça encore. Quand une jambe, je crois, elle est vraiment, vraiment bien brisée. Quoi qu'il en soit, la jambe reste ouverte. C'est pas comme avant. Avant, il y avait vraiment deux morceaux de bois, par exemple, et après un bandage autour, pour serrer. Et aujourd'hui, il faut un plâtre, tout simplement. Donc il dit, l'essuyage, on va dire, sur le plâtre, et les bandages, les pansements sur les blessures. Il dit que dans la mas'ala, il y a trois paroles. Première parole, qu'il utilise l'eau pour tous les membres. D'accord, tous les membres qui peuvent supporter l'eau. Et il essuie sur le plâtre. Ça, c'est le call du Jumhur. D'accord, c'est-à-dire tous les membres qui n'ont pas été atteints, qui sont intacts. Il les lave, il utilise l'eau avec, enfin l'eau d'eau, quoi, et il essuie sur le plâtre. Donc ça c'est le call du Jumhur, la plupart des savants. Deuxième call, qu'il se contente de laver les membres intacts et qu'il laisse le plâtre et n'essuie pas dessus. Et ni ne fait le tayammum pour remplacer. C'est le call d'Ibn Sirin et de Zahiriya. Et c'est l'avis choisi par Cheikh Al-Albani et Cheikh Mokbil. Et le troisième call, troisième avis, qu'il fait tayammum pour compenser le membre blessé qui ne peut être mouillé. Ça, c'est le call de Shafiri. Cependant, il essuie sur le plâtre. Il essuie sur le plâtre. Et eux, ils ont pris leur preuve sur le hadith de Jabir, mais il est faible. Ils ont pris leur preuve du hadith de Jabir, comme il citait là, mais il est faible. Et Shir disait qu'à la base, il se contentait de faire le tayammum. D'accord ? Shir Noizem, il voit, il se contentait de faire le tayammum. Car le tayammum compense tout, englobe tout. Et c'était l'avis également de Shir Yahya. Par contre, là, dans le call de Shir Muizem, je ne sais pas en fait s'il vise par là le troisième call, celui de Shafi'i. Où il voit qu'il fait tayammum seulement que il ne suit pas. Il ne précise pas, c'est pas clair. Donc c'est où on voit le troisième call, où il voit simplement un tayammum. Un simple tayammum sans rien ajouter. Mais il s'est pas précisé là, dans ce qu'il dit. Et par la suite, il dit qu'il lui a paru qu'en fait que le premier avis était le plus proche de la vérité. C'est quoi le premier avis? Qu'il utilise l'eau pour tous les membres intacts et qu'il essuie sur le bandage ou le plâtre. Car cela, c'est ce qu'a fait Ibn Omar de façon authentique. Qu'il l'a dit et qu'il l'a fait. Et il ne connaît pas de personnes qui soient opposées à part d'Ibn Omar comme les sahaba. Donc quand un sahabi avec un call qui s'oppose à aucun texte et qu'il n'y a personne qui s'y oppose parmi les sahaba, son call il peut être accepté et même jugé comme étant une hujja. Car là dans le sujet, on n'a pas de call, de texte clair, authentique, qui explique comment faire. D'accord ? Donc tu reviens à qui, à ce moment-là ? Aux gens qui étaient le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Salman Najd Salafi. Ça en fait partie en tout cas. Et parmi les choses qui appuient l'avis des Jumhur, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de blessures et de membres cassés. C'était présent à leur époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été apporté qu'il leur donnait le faire tayammum pour compenser ses membres bandés ou plâtrés, enfin à l'époque c'est pas plâtré, mais qui étaient sous le Jabira. D'accord ? Il n'y a rien qui était apporté de cela, alors que c'était présent à l'époque. C'était présent à l'époque, ça existait. Naam. Donc il dit, dans ce cas-là, il reste deux choses. Soit le deuxième call, qui est le fait de faire l'eau et de laisser la partie qui est plâtrée, ne pas la toucher. Ou alors, le deuxième call, ou alors, le premier call, que tu lèves les membres et que tu essuies sur le plâtre, ou le bandage. Mais le troisième, en tout cas, il dit qu'il n'a pas de. Le troisième call, il n'y a rien qui l'appuie. Que les deux premiers sont les plus proches de ce qui aurait pu se passer à l'époque des Sahaba, et que lui, il a opté pour le deuxième. Et cet avis également, c'est l'avis choisi par Cheikh l'Islam Taymiyyah et Cheikh Al-Uthaymeen. Donc le qu'on réagir, c'est qu'il fait l'eau d'eau normalement, d'accord, sans mouiller la partie plâtrée ou bandée, et qu'il essuie dessus. Mafoum ? Taïe. Après, il dit Mas'ala, hel yashtarat fil mas'i ala al-jabirati libsuha ala al-tahara. Est-ce qu'il est conditionné pour pouvoir essuyer sur le bandage ou le plâtre de l'avoir enfilé, d'avoir été bandé ou d'avoir été plâtré en étant en état de tahara, comme le khouf? Est-ce que c'est conditionné pour pouvoir par la suite essuyer dessus? La plupart des savants voient que ce n'est pas conditionné. Et c'est la parole authentique, car il n'y a aucune preuve qui appuie cela. Que tu aies besoin d'avoir été en état de purification pour pouvoir essayer dessus. Et quand bien même, tu regardes bien dans des cas, il faut que tu sois pensé sur le champ. Donc quelqu'un a une blessure, une grosse hémorragie, c'est tout de suite. On va le demander tout de suite. Tu ne vas pas chercher à savoir est-ce qu'il a le dos ou pas. À ce moment, il va penser à ça. Il trouve qu'il est évanoui, ça se trouve qu'il est, tu vois. On va le demander tout de suite pour bloquer l'hémorragie. Après, il fait comment? Il doit faire le dos. Il doit tout défaire et se purifier pour pouvoir essayer dessus. Il y a une machaque, quoi. Il y a la difficulté. Et il rapporte une part de Cheikh al-Islam qui appuie cela, dans Majmou al-Fatawa, qui dit que le. Je dis le plâtre pour dire Jabira, c'était pas à l'époque, mais aujourd'hui on dit plâtre. On essuie sur le plâtre, et peu importe que la personne l'ait eu en étant de Janaba ou pas, ça compte pas. D'accord? Il essuie dessus. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Et c'est l'une des versions rapportées par Ahmed. Et c'est la parole qui est vraie. Taïm. Mas'alatun. Hel yustaw'ab al-mas'u al-jabira. Est-ce qu'on doit, quand on essuie la jabira, le plâtre, est-ce qu'on doit essuyer tout le plâtre, ou comme le khouf, une partie? Tamam. Il rapporte une part de Cheikh al-Islam, toujours dans le Majmou' al-Fatawa, qu'il dit que le plâtre ou le bandage, on l'essuie dans sa totalité comme on le ferait avec la peau. Car en fait, il remplace la peau. Cette partie-là que tu as là, bandée ou qui est plâtrée, elle remplace la partie de la peau qui est en dessous. Donc tu lui donnes le même jugement. Tu l'essuies entièrement. Tu ne te contentes pas de passer un peu dessus comme tu fais sur le rouf. Et d'ailleurs, il va montrer que le rouf et le bandage, on ne peut pas faire de caillesse entre les deux. Il n'y a pas d'analogie entre les deux. Il y a des différences. Et c'est une parole de Cheikh Al-Uthaymeen qui est dans le même sens. Il dit pourquoi? Car Cheikh Al-Uthaymeen, comme on dit, il dit que la chose, le remplaçant prend le jugement du remplacé. C'est-à-dire là, tu as mis un plâtre ou un bandage, ça fait office de remplaçant. Et le remplacé, c'est quoi? C'est ta peau qui est en dessous. Donc il dit qu'on change une chose par une chose, elle prend le même jugement. La base. Vous voyez, c'est la base, il a dit. El mubdel, afon el badel lahu hukm, el mubdel. C'est l'asl. Sûrement, il y a des branches, des fois, exceptions qui se fassent, mais la base, c'est ça. Et que la sunna n'a pas montré le contraire de cela. Donc, ce bandage ou ce plâtre remplace ta peau. D'accord? Donc il dit, il est obligatoire de essuyer sur tout le bandage ou tout le plâtre. Et contrairement au khouf qui, lui, on a des preuves qui démontrent qu'on aurait pu faire sur une seule partie. Il y a une preuve. Et on a dit quoi? C'est pour ça que Yannick Hafiz ibn Hajar a été très minutieux en mettant la parole de Ali au début, tu te rappelles? Le Kana al-Din bi-Ray, la Kana asfal al-khuf awla bil mas min a'la. La dixième est la région basée sur la raison. La partie inférieure du khuf aurait été plus en droit d'essuyer que la partie supérieure. Pour dire que là, la réflexion n'a pas sa place. Tu suis les textes. Donc il dit pour le khuf, on a des textes qui disent qu'on peut faire une partie seulement. Donc ça ne veut pas dire que le khuf remplace le pied. Non, c'est un autre jugement, c'est autre chose. Mais là, dans le cas où on est là, le bandage ou le plâtre remplace la partie qui est à la base du mouillé, qui était la peau. Donc il prend le même jugement. Donc il n'y en a pas de preuve qui dit qu'on se contente de faire une seule partie. Alors que pour le khuf, on a. Ou comme la imama, on a une partie que tu peux faire, ou même le masque du ras, on a des preuves qui disent que tu peux faire une partie de la tête. Ou la imama, tu peux faire une partie seulement. Mais là, il n'y en a pas. Donc on reste sur le os, que c'est comme ta peau. Donc tu fais tout. D'accord, tu fais tout. Après, c'est justement. Charles Femin, toujours. Cinq différences entre le masque à la khouf, les sujets sur les khouf, et sur le bandage et le plâtre. Dit premièrement, l'essuyage sur le bandage ou le plâtre, c'est obligatoire. Le khouf, c'est une permission. Quand tu peux enlever ton khouf et laver ton pied. Là, si t'es blessé, d'accord, et t'as un bandage ou un plâtre, et tu fais l'ozo, tu dois passer dessus obligatoirement. Donc ça, c'est un. Deux, que l'essuyage sur le plâtre ou le bandage est légiféré dans les deux cas de souillure, majeure et mineure. Que ce soit Mouhdis, Asral ou Akbar, Janaba ou pas, tu fais pareil. Alors que le khouf, il n'y a pas de khouf dans le Janaba. Le khouf, l'essuyage sur le khouf, c'est juste quoi? Al-Hadas, Al-Asral. Quand tu es en souillure mineure. D'accord? Donc c'est la deuxième différence. Troisième. Que l'essuyage sur les bandages ou le plâtre, c'est tant que besoin est, c'est-à-dire il n'y a pas de temps. Contrairement au khouf, où c'est 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, et 1 jour et 1 nuit pour le résident. Alors que le plâtre ou le bandage, il n'y a pas de temps défini. C'est tant que tu es bandé, tu es plâtré, tu continues à essuyer dessus. Et il dit, quatrième, que le bandage et le plâtre, on essuie dans sa totalité. Contrairement au khouf, on ne le fait qu'une partie, le dessus seulement. Et cinquième différence, c'est que le plâtre et le bandage, il n'est pas conditionné de les avoir mis en le temps de purification. Alors que le khouf, si. Les khouf, pour essuyer dessus, il faut que tu les aies mis alors que tu étais en état de purification. Donc cinq différences entre les deux. Qui dit qu'on ne peut pas faire de qiyas entre le khouf et al-jabira, le plâtre et le bandage. C'est pas pareil. Donc de là, une mas'ala qui est khala al-jabira ti ba'd al-wudu wal mas' 'alayha. Le fait d'enlever le bandage ou le plâtre après les avoir essuyés. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit également qu'il y a khilaf, mais ce qui apparaît, c'est que cela n'annule pas l'ozo. Tu as été blessé par exemple, tu avais ton plâtre, mathalen, et tu étais junoub. Mathalen. Il parle des deux, l'ozo et le ghusl. D'accord, tu étais junoub ou tu étais muhdif, l'un ou l'autre. Tu as fait l'ozo ou tu as fait ton ghusl en essuyant dessus. Après, il s'est avéré que, c'était le jour où tu dois chez le docteur, tu dis vous êtes guéri, monsieur. Il t'enlève ton bandage et ton plâtre. Tu n'as pas recommencé le dos, ni le ghusl. Khalas, tahir. D'accord? Tahir. Non. Tu es en état de pureté, tu peux faire ce que tu veux après par la suite tant que tu n'as pas perdu le dos. Fais la salat. Tahir, maintenant il parle. Celui qui est en état de pureté majeur. Idha kana sahib al-hadath jalihan ou marida. Sur celui qui est en état de janaba, il n'a pas dit le mot junoub, mais c'est ce qui apparaît. Quand j'ai lu, franchement, c'est ce qui apparaît. Il dit s'aimer les malades ou blessés. Il dit quoi? Que Ahmed et Shafiri, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il lave ce qu'il peut de ses membres. D'accord? Et là, c'est dans le, en fait, Chiri précise, dans le cas de quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas de bandage. il a une blessure qui n'est pas bondée. D'accord ? C'est ouvert ou c'est... Peut-être c'est fermé, mais c'est sensible encore ou quoi ? En tout cas, il a une blessure, mais elle n'est pas bondée. Donc là, il est à vif. C'est la différence avec ce qu'on vient de prendre à l'instant là. C'est pas pareil. Donc il dit quoi ? Ahmed et Shafi'i, ils disent qu'il lave ce qu'il peut de son corps et pour combler le manque, il fait tayammum. Les parties qui n'ont pas été touchées par l'eau, il fait tayammum. Et ils ont pris la généralité englobée dans la spantala où il dit Fattakullaha mastata'tu. Craignez Allah comme vous pouvez. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Si je vous ai ordonné une chose, faites-en comme vous le pouvez. Et également, ils ont pris le hadith du chapitre, mais on a dit qu'il était faible. Et c'est également le cours choisi par Cheikh Al-Othamine et Cheikh Yahya. Et d'autres ulama comme Malik et Abu Hanifa, ils voient que ça dépend. Si la plupart de son corps est intact, il se lave. Sans toucher la partie même. Et si la plupart de son corps est blessé et ne peut être atteint par l'eau, VTMM. Pas mal. Et Shir Ibn Hizam lui voit que le premier call, il est authentique. Précision, hier on a dit parmi les causes qui permettaient de faire TMM, c'est d'avoir une douleur insoutenable. J'ai même fait une allusion au bobo, au petit bobo. D'accord ? En fait, non. Je rectifie. Quand on dit une douleur insoutenable, c'est-à-dire dans le corps. Pas une blessure. La blessure, ça rentre dans ce cas-là. Maintenant, demain, tu as une maladie, par exemple. Touche l'eau, ça va te faire mal. En faisant l'eau d'eau. D'accord ? Ça va te faire mal. C'est-à-dire, c'est une douleur répandue dans le corps. Pas une blessure, un petit bobo. Ou une blessure, une coupure, ou un truc comme ça. D'accord ? On rectifie. Hier, quand on disait ce qui permet de faire le tayammum, c'est quand si jamais l'eau te touche, tu auras mal, de façon générale. Une douleur insoutenable. Pas à un endroit précis. C'est un endroit précis, tu peux le couvrir. Par un bandage, un pansement, ou tu passes à côté, ça dépend de la vie choisie. Ça va ? Donc, c'est ça qu'il voulait dire hier. Car hier, en le disant, j'avais compris comme quoi c'est une blessure à l'endroit. Et en fait, non. En le disant cette masala-là, ça m'a éclairci la précédente. Donc, à faire attention. La douleur, c'est une douleur qui est dans le corps. Et qui est insoutenable. Ensuite, pour finir, mas'ala. إذا كان جريحا في وجهه أو يده ولا يستطيع التيمم أيضا. Que s'il se voit blessé à sa main ou à son visage, et que même le tayammum, il ne peut pas le faire. S'il touche avec de la terre, ça va l'unir. D'accord ? Donc là, il cite une parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, dans sa mufti saoudia, rahimahullah ta'ala, dans ses fatawa, volume 2, page 84. Il dit que si jamais le contact avec la terre lui nuit et qu'il a une blessure au visage ou aux mains, c'est-à-dire les parties concernées par le tayammum. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? Le tayammum ne l'est plus obligatoire. Par rapport à Allah, fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut ni faire l'eau d'eau, ni tayammum. Donc, ça n'est plus obligatoire. Donc voilà, c'était le dernier d'aujourd'hui. Ma fomo, un dernier important. Car souvent, on a des questions par rapport aux blessures, comment faire. Et c'est pareil, il y a quelqu'un qui aura un pansement sur une blessure. Une blessure petite, d'accord, mais profonde. Si jamais l'eau l'atteint, il va pas cicatriser ou un truc comme ça, c'est pareil. Il est ici sur le pansement. Ça prend le jument du bandage et du plâtre. Il est dessus. Ça va ? Non. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين